نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وأصحابه ومن تبعهم إلى بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alors d'abord, on va commencer par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette, pour toutes ces ni'ma qu'il a fait sur nous, tous ces bienfaits. En commençant par le premier bienfait qui est celui de l'islam. Celui de l'islam, d'avoir fait de nous des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit ou comme il le mérite et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis, en étant musulman. Il dit également dans son livre: Inna dina indallah al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Il dit également: Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui recherche une autre religion que celle d'Allah et que celle de l'islam, il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc la première chose, d'avoir fait de nous des musulmans, alhamdoulilah, car on sait qu'aujourd'hui, cette religion est combattue de toutes parts, même par ses adeptes, ce qui est triste. Et voilà. Et deuxièmement, deuxième ni'ma, celle de la sunna, celle du suivi de la sunna. Car ce n'est pas tout musulman qui est sunni et qui est sur la droiture, le chemin voulu, le minhaj authentique. Comme le Nabi sallam, wa alaykum bi sunnati wa sunnat al khulafa rashidin. Tayyib, wa uddu alayha bi nawajid. C'est-à-dire, accrochez-vous à ma sunna et à celle de mes califs bien guidés, et accrochez-vous même avec les molaires, mordez-y avec les molaires. C'est-à-dire, il faut s'y agripper fortement. Et l'autre ni'ma sur laquelle on peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle du talab al-ilm shal'i, le fait de rechercher la science de façon légiférée dans le masjid. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ يَبْتَغِي طَلِيقًا وَمَنْ يَسْلُكْ طَلِيقًا يَبْتَغِي فِي عِلْمًا يَسْرَ اللَّهُ طَلِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ يُدَارِسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَجَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. C'est-à-dire que ceux qui recherchent une voie, recherchant la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Et qu'il ne trouvera pas un peuple qui se réunit dans une maison parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire les masajids, les mosquées, voyez, qui lisent le kitab d'Allah et qui l'étudient entre eux sans que il y ait la douceur qui tombe sur eux, qu'ils soient entourés par la miséricorde et que les anges les entourent. Donc, quand il dit dans ce hadith, kitab d'Allah, c'est le Coran et tout ce qui va autour de lui, toutes les sciences. Voyez, et quand on dit science, c'est pas science des mathématiques, c'est pas la science de l'architecture ou la médecine, c'est la science shal'i, l'ilm shal'i, c'est-à-dire celle par laquelle on apprend la religion, voyez, à la wajh ta'abud, pour se rapprocher d'Allah. Comment l'adorer, pourquoi l'adorer, et ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et tout ce qui s'ensuit. Et le principal moyen pour nous d'arriver à ce but, voyez, c'est la langue arabe. Voyez, la langue arabe, c'est un moyen qui est primordial pour nous, car le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est en arabe. Voyez, la sunna, elle est en arabe. Et la parole, les paroles des salafs sont en arabe. Ils ne parlaient pas français, pas anglais, pas chinois. Ils parlaient l'arabe. L'arabe pur. Un arabe qui aujourd'hui, tu ne trouveras pas beaucoup de gens qui l'emploient correctement. Voyez, mais le talab al-ilm, il s'efforce, lui, de l'apprendre et de l'appliquer comme il peut et d'enseigner aux autres par la suite. Et comme on disait, donc la langue arabe est la plus noble des langues. Voyez, on ne dit pas pourquoi, parce que déjà, comme Cheikh Islam Taymiyyah l'a dit, la meilleure des races, c'est la race des Arabes. Cela ne veut pas dire que chaque Arabe est meilleur que celui qui n'est pas Arabe, mais en elle-même, de façon globale, c'est la meilleure des races. Pourquoi ? Parce que c'est celle d'où est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures. Voyez, il est venu de la meilleure tribu qui est Quraysh. Voyez, et Quraysh sont venus de la descendance d'Ismaïl, alayhi salam, qui est le fils d'Ibrahim, qui lui n'était pas Arabe, mais a été arabisé, a été agrandi, a été éduqué par les Arabes et a pris d'eux. Voyez, donc, et également, c'est la langue par laquelle est descendu le Wahi, le Coran, et la langue arabe. Voyez, Bilisena Arabi Mubin. Donc, pour le comprendre, nous sommes obligés d'apprendre la langue arabe. Parce que ce qu'on a, nous, dans les Masahif, les traductions des Marna, du sens, comme on dit, parce qu'on ne peut pas dire traduction du Coran, ça, on peut pas le dire. C'est traduction rapprochée du sens, approximativement, car il renferme des sens. Par exemple, un mot en arabe, tu as besoin de deux phrases pour le traduire en français. Donc c'est un rapprochement. C'est un rapprochement. Et la récompense dans le fait de lire le Coran, comme le Nabi sallam, il a dit, le fait de lire chaque lettre, c'est dit hasanat, c'est pas lorsqu'on lit en français, c'est lorsqu'on le lit en arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle aussi à méditer sur son livre, à réfléchir. Donc comment réfléchir et méditer si on ne comprend pas ce qui est écrit, tu vois. Donc cette langue arabe nous est primordiale pour toutes les sciences, le tawhid, l'aqida, le fiqh, le mustalah. Et la langue arabe en elle-même, elle a différentes branches. Elle a différentes branches. Il a été dit qu'elle est divisée en 12 catégories. Et la plus noble d'entre elles, c'est le nahou. Le nahou, c'est la grammaire. Voyez, c'est la source par laquelle on étudie la harakat à la fin d'un mot qui nous définit le sens ou la place de ce mot dans une phrase. Nous, en français, le sens du mot est lié à sa place. Par rapport à là où il est placé, tu sais ce qu'il veut dire. En arabe, c'est pas par rapport à la place. C'est par rapport à la haraka qui est à la fin. Vous voyez, ou c'est une dhamma, ou une fatha, ou une kasra, ou une sukun. Et ces harakat-là, c'est elles qui nous prouvent quelle est la place de ce mot. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un verbe au passé? Est-ce que c'est un verbe au futur? Toutes ces choses-là nous sont démontrées, non pas par la place du mot, mais par rapport à la fin de ce mot, ou ce qui peut venir aussi en avant. Donc il y a le nahu, il y a aussi le sauf. Le sauf, beaucoup de gens disent que c'est la conjugaison, mais ça c'est une définition qui, on va dire, qui est réduite. Le sauf, c'est tout ce qui est transformation des mots. Ça englobe la conjugaison et autre chose. Quand le mot se transforme dans sa forme d'origine, il est transformé pour arriver à un autre sens. Ça, c'est le sauf. Il y a aussi l'imla. L'imla, ce qui est l'orthographe, en quelque sorte. Surtout dans les hamzas. Le hamza, il a des règles. Tu vois, il a des règles. Quand le placer en haut, en bas, sur la ligne, sur un ya, sur un alif, sur un waouh, tout ça, c'est encore une autre science. L'imla, qui est très importante, savoir écrire. Parce que en langue arabe, à la base, elle s'écrit comme elle s'entend. C'est pas dur. Tu vois, quand tu dis par exemple, qalamun. Tu vois, qalamun, t'as un kof avec une fatha, t'as un lem avec une fatha, et t'as un mim avec une dhamma tanwin. Il s'écrit comme il se prononce. Alors que nous en français, l'orthographe, on sait que c'est une mission. Par exemple, tu dis du lait, ça peut être ce que donne la vache. L-A-I-T. Ça peut être les, par exemple, pour un pronom défini pour le pluriel, les hommes, L-E-S. Ça peut être les comme pour dire pas beau, L-A-I-D. Tu vois, il y a plein de. Le même mot, il peut avoir plein de sens différents, et tu définis ce mot comment? Dans son orthographe. Ou dans le sens de la phrase. Toi, tu arrives à cerner quand quelqu'un te parle, quand il dit par exemple Jean-Pierre, il est laid, tu vois, tu sais qu'il ne veut pas dire du lait à boire. Il veut dire qu'il n'est pas beau, par exemple. Tu vois. Et donc là, si quelqu'un écrit les L-A-I-T, on va dire, toi, tu ne connais pas la langue française. Alors qu'en arabe, c'est plus facile. Là, l'arabe, il s'écrit comme il se prononce, à pas dans quelques points, comme avec le hamza, par exemple, des choses comme ça. Donc l'imla, c'est très important, parce que beaucoup de gens écrivent, ils connaissent pas ces règles-là, et quand tu lis, tu dis, ben lui, il sait pas écrire. Tu vois. Par exemple, tu vois des endroits, sur les murs, ittisalat. Tu vois les trucs pour appeler, pour téléphoner. Tu vois. Ittisalat. Et ben tu as beaucoup d'erreurs, j'en ai beaucoup. Et qui solette, le premier alif, on va mettre un hamza en dessous. Tu vas souvent le voir, là c'est une grosse erreur. Par exemple, tu vas dire celui qui écrit ça, eh bien il connaît pas les règles de l'imla. Tu vois. Et toi, si tu as rappelé les règles de l'imla, direct tu vas avoir l'erreur, tout de suite. Parce que le premier c'est le wasal. Voilà, et le wasal, il n'y a pas de hamza. Ah, des fois, on met un hamza, des fois, il y a des règles. C'est facile à apprendre, tu vois, il y a des mots définis, des mesures définies qui te disent quand tu le mets, quand tu le mets pas. Ça, c'est pas dur à apprendre. Et quand tu les as appris, tu sais, là. Tu sais que là, il faut le mettre, là, faut pas le mettre. Et eux, ils le mettent beaucoup, tu vois. Et quand tu leur dis, il faut pas le mettre, si, il faut le mettre, c'est comme ça et tout, tu vois. Je dis, comment tu fais? Je l'ai vu. C'était écrit à Sanaa. Je l'ai vu. C'était écrit à Mecca. J'ai vu. C'était écrit au Kahira, au Caire. J'ai vu, c'était écrit comme ça. Après, tu dis, c'est pas, j'ai vu. Tu vois ce que je veux dire? Même tu vois dans le Coran, regarde dans le Coran, c'est pas écrit. Tu vois les hadiths rapportés dans les livres authentiques et vérifiés, tu dis, c'est pas écrit. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent avec l'apprentissage. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous allons rentrer dans les kutub de Médine. Vous voyez? Jami'a al-Islamiyya bil-Médina. Al-Nabawiyya. Tambi, un point d'attention d'abord, ces livres ont une méthode riche et bénéfique pour l'étranger. Vous voyez, c'est des livres qui ont été mis en place pour les étrangers, du moins ceux qui ne parlent pas l'arabe. Quand on dit étranger, on va dire même si c'est quelqu'un qui est arabe d'origine, mais ne parle pas l'arabe, il rentre dedans, tu vois. Il rentre dedans. Donc leur méthode, elle est très élaborée et elle a été mise en place pour les débutants qui ne parlent pas la langue arabe. Cependant, ces livres, au fur et à mesure qu'on va lire dedans, que ce soit le premier tome, le deuxième ou le troisième, on constatera que les textes sont à revoir. Il y a des choses dans le Medhej qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, celui qui a écrit ces textes, il y a des choses dans son istikama qui ne sont pas claires, tu vois. Comme la télé, le fait de voyager chez les koufars, ou d'aller au musée, des choses qui ne sont pas dans ce que nous avons pris des salafs, vous voyez, ni des nos grands savants, tu vois, des ulama, c'est pas le chemin qui s'y fait, tu vois. Bon, allez, comme ça. Les exemples qu'ils donnent sont très dunya. Peut-être qu'ils ont voulu rassembler, parce que comme ils s'appellent la Jamia, il y a des Indiens, des Anglais, des Canadiens, ils ont voulu faire une sorte de discours général qui englobe tout le monde, mais des fois ils sont tombés dans des mukhalafa. Inch'Allah, il y a des oppositions à la législation de l'islam, mais Inch'Allah, on y fera attention. En tout cas, la technique en elle-même, elle est bonne, mais les textes, attention. Donc ce qu'on espère, c'est que parmi nous, des frères arriveront à un niveau, mashallah, et écriront des livres salafis, purement salafis, tu vois. Il y aura toujours des erreurs. L'être humain, il n'est pas parfait, il y aura toujours des erreurs, des choses à faire, tu vois. Mais ce qui sera plus proche de la taqwa. Vous voyez, peut-être toi, Kader, toi, Mohamed, ou n'importe quel frère qui a étudié à des mecs ou chez les savants salafis, ou autre que des mecs, en tout cas qui sont sur le stikama, sur le manège authentique, qui écrira un livre pour les frères. Comme qu'il était lui avant, il pensera à eux, tu vois. La yubinu ahadukum, hapayu shibbali akhi, ma shibbali nafsi. Donc, par amour pour ses frères, il dit, moi, je vais faire un livre, Inch'Allah, bien fort, sur la tariqa des salaf. Des savants, comme cela est connu, avec des bons textes, avec des hadiths, des ayats, tu vois. Et après, Inch'Allah, les frères profiteront. Parce que le but, c'est comprendre le Coran et la Sunna. Et quand tu viens avec plein de textes, comme ceux qui viennent dans ces kutub, bah des fois, un hadith, il vient, tu ne comprends pas. Le hadith, il vient, tu dis, je connais le Muntada, je connais le Khabar, je connais le Fiyam, je connais le Fa'il, je connais toutes les choses, et le hadith, je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que eux, ils sont habitués à quoi ? À des textes simples de la vie de tous les jours. Tu vois ? Et le tarbir d'aujourd'hui, l'expression orale d'aujourd'hui, elle a changé. C'est pas comme parler le Sahaba, ou comme parler le Nabi Sallam, ou comme cela est dans le Coran. Donc, c'est pour ça que on s'encourage mutuellement, moi d'abord, ainsi que vous, à des mecs, par exemple, dès qu'on a la possibilité, dans le cours de Bukhari, on apprend le hadith, on cherche le sens, on prend le camouche, un dictionnaire, on regarde. On ne se base pas seulement sur ce livre-là. Ce livre-là, on va dire, c'est pour apprendre. C'est un socle, vous voyez, un socle. Mais les choses qui vont aider le plus à bien rentrer la longueur dans nos oreilles, c'est l'écoute. Le principal moyen d'apprendre une langue, c'est l'écoute. Demain, tu mets l'étranger dans un pays, par exemple, un étranger vit en France, en un an, il va parler français. Quand il va écrire, ça va être catastrophique. Mais quand il va parler, il saura s'exprimer, et quand on lui parlera, il saura comprendre. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il est dans un moujtama, dans un ensemble de gens qui vivent ensemble, ils parlent tous la même langue de la même façon à peu près. À part certaines régions, c'est que ça diffère, mais sinon, voilà. Aujourd'hui, en langue arabe, tu ne trouveras pas un pur arabophone qui parle le fosha littéraire. Tu ne vas le trouver que chez peut-être le Toulab El Rib ou quelqu'un qui l'aura étudié. Sinon, le mouchtamar en lui-même, c'est Darija. Tu vois, ils vont t'entraîner des mots anglais, des mots français, ils vont pas citer le Nahou, ils vont dire Dja Zaydan, Wajal Azafi Beytoud, tu vois. Et toi, quand tu vas prendre l'acte du Nahou, tu vas dire ouh, c'est pas bon, tu vois. Ceux qui parlent bien la langue arabe aujourd'hui, c'est le savant, le Toulab El Rib. Et peut-être autre que parmi ceux qui l'ont étudié pour communiquer aux gens, par exemple, tu pourras trouver dans les hommes politiques, ils vont bien parler la langue arabe. Ou les enseignants dans les écoles, ils vont bien parler la langue arabe. Tu vois, mais eux, c'est un but quoi de dire, c'est pas un but de dîne. Tu vois, c'est pas un but de dîne. Donc attention à ne pas dire, les gens disent, donc je dis comme eux. Ça, c'est le taqlid. Et le taqlid, même dans la langue arabe, il va t'amener à des grandes erreurs. Suivre les règles, et même si toi, des gens te regardent bizarrement, tu dis, c'est la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la langue du Coran, moi je parle comme ça. Et on fait un effort, comme je dis, d'apprendre les hadiths. Bon, hadith, ça va beaucoup aider. Et c'est le Jami' al-Sahih de Cheikh Moukbil. Quand c'est pas trop long, et demander aux frères. Surtout ne pas avoir honte de demander aux frères. Quand c'est une chose. Je suis là. Ne pas avoir honte de demander aux frères. Tu vois Mohammed, tu lui demandes. Tu vois Hamza, tu lui demandes. Tu vois Suleiman, tu lui demandes. Tu vois Foulen, tu lui demandes. J'ai pas compris ce mot-là, tu peux m'expliquer. Je sais pas comment cette phrase-là, tu peux m'expliquer. Même au Machir, quand tu auras un niveau, tu vois. Faut demander, faut pas avoir honte de demander. Vous voyez ? Et écouter les cassettes aussi. Ça c'est très bénéfique. Les cassettes de ceux qui parlent clairement. Par exemple, t'as Cheikh Saleh Al-Shir, les Fassir, ils parlent très très bien. T'as Cheikh Fozen, ils parlent simplement, ils parlent très très bien. T'as Cheikh Moukbil. Même si Cheikh Moukbil, il a un ton spécial, quand tu l'écoutes, après tu sais que c'est lui. Tu vois, Mashallah, Mubarak. Il a un ton spécial, mais il parle, il est fasih, jiddan, tu vois. Et dans les douloureux simples, tu vois, qu'ils soient pas trop loin. Et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'audition, c'est parmi les, c'est le principal sens pour pouvoir bien comprendre l'anglais arabe. Tu peux écrire, très bien, écrire aussi, mais surtout écouter. Ça rentre beaucoup. Moi, je sais que des fois, tu peux en prendre un mot, j'écris 10 fois, tu l'entends une fois, il reste. Tu vois. Et tu peux tu lis dans un livre, tu l'as lu une fois, tu cherches le sens, l'endroit, tu peux l'avoir oublié. Mais celui que tu as écouté, souvent, il reste. Très souvent, il reste. Vous voyez. Donc moi, pour ma part, je m'excuse auprès de vous, car à la base, je ne suis pas habitué à donner des cours d'arabe en français. J'ai toujours été en arabe, même avec les débutants, parce que c'est comme ça que moi je l'ai appris. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit toi il y a quelques jours, mon prof, c'était un Égyptien, et il parle pas français. Donc tu peux faire ce que tu veux, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Donc c'est des gestes. Peut-être des fois, il faut essayer de dessiner en évitant d'inventer l'arwah, de faire des choses qui contiennent des âmes, tu vois. Et à la fin, ben, ça rentre. T'as mal à la tête. Des fois, t'en peux plus, tu fais j'en peux plus. Je crois que je vais arrêter. Tu patientes, t'astahin billah, surtout t'astahin billah, t'astahin billah. Vous voyez ? Et à la fin, ça rentre, alhamdoulilah. Et en tout cas, c'est. Donc, moi, je suis pas habitué à employer des termes de vocabulaire français, complètement d'objet direct, sujet, la potée. Moi, je connais pas ces machins-là, j'ai oublié, tu vois. J'ai oublié. Donc, on va se décrypter comme on peut. Et au fur et à mesure, on rentre de plus en plus en arabe, et aussi par rapport au fait qu'on enregistre et que les frères en France ne parlent pas l'arabe, donc on va essayer de faire le plus en français. Mais vous à l'extérieur, misez là arabe. Vous voyez, misez là arabe. Pas mal. Donc on va rentrer dans le premier def. Le def, l'awwal. Ce def, c'est sur ism al-ishara. Ism al-ishara. Ism, ça veut dire nom. Ishara, c'est indication. Ishara, c'est indication. Par exemple, dans la rue, quand tu vois les panneaux d'indication, tu vois une flèche qui te dit va par là. Ça s'appelle ishara, ça. Une indication. Ça y est, ism ishara. Ism. C'est Hamza pour Waf, il n'y a pas de. C'est en bas. Hamza pour Waf. Il n'y a pas de Raf Aïn, il n'y a pas la tête du Aïn. C'est un Hamza, un Sin, un Mim. Ism. Parce que moi j'ai oublié de venir avec le tableau là. Ismoun Ishar. Isharatu, c'est ça? Isharati. Vous saurez pourquoi c'est dit à la fin. Ism al-ishara. Vous voyez? Ishara, c'est indication. Ism, c'est un nom. Un nom indicatif. Vous voyez? Et le mu'allif, il a commencé par ce chapitre, car c'est l'une des choses dont on a besoin tout le temps, quasiment. Si tu ne sais pas parler, tu sais montrer. Tu sauras demander quelle est cette chose. Par exemple, le premier ism ishara qu'on a, c'est hadha. Hada. Vous voyez, Hada, c'est un ism ishara lil mufrad al muzakkar. C'est un nom indicatif pour le singulier. Mufrad wa muzakkar. Aïe, mufrad wa muzakkar. Mufrad, ça veut dire singulier. Mufrad, ça veut dire singulier. Et muzakkar, masculin. Muzakkar. C'est mim, zel, mim, zel, kef, ra, muzakkar, avec une chèque d'asso kef, muzakkar. Ou le mot mufrad, c'est mim, fa, ra, del, mufrad. Comme ça se prononce, mufrad, mim, fa, ra, del. Hein? Où? Mufrad. Mufrad, c'est mim avec une damma, le F, le F, le F, le Sakin. Le dernier. Mufradun. Tanouin damma. Mufradun muzakkarun. Il fait quoi lui? Abdel Kayoum? Tal. J'ai dit Sunnah. Bismillah. Vous voyez, comme dans notre langue, la langue arabe est divisée en féminin, masculin, pluriel, singulier. Et il y a aussi un troisième truc qu'on verra plus tard, c'est le duel, ce qui prouve à deux. Dans notre langue, il n'y a pas ça. Je pense qu'elle est plus précise, quand ça viendra. Voyez, donc ce mot-là, hada, c'est pour indiquer une chose masculine singulière. Par exemple, hada, j'indique vers Mohammed. Hada, qu'est-ce que je veux? Cet être humain. Hada Mohammed. Voyez, ça voudrait dire lui, c'est Mohammed. Hada Mohammedun. Si je, par exemple, t'indique vers une. Ta sœur, par exemple, tu veux montrer quelque chose à ta sœur, à ta mère, tu dis pas « Hada Fatima ». Fatima, moins de neuf. C'est féminin. Et si tu veux montrer un groupe de pluriel, tu dis pas « Hada Rijel », par exemple, des hommes, pluriel de Rajul. Tu l'emploies pour un masculin singulier, c'est tout. Et là, il vient avec des exemples de choses qui sont masculines et singulières. « Hada Baytun ». Baytoun, avec l'image, j'ai compris que c'est une maison. Dans l'autre langue, maison, c'est féminin. En arabe, c'est masculin. Et Hada. Hada Masjidun. Masjid, vous avez compris que c'est une mosquée. Dans l'autre langue, pareil, mosquée, c'est féminin. En arabe, c'est masculin. Masjidun. Hada Babun. Hada Babun. C'est une porte. Comme vous l'avez compris. Et pareil, porte, dans notre langue, c'est féminin. En arabe, c'est masculin. Hada babun. Hada kitabun. Kitab, vous avez compris que c'est un livre. Donc quand tu dis hada kitabun, c'est un livre. Ceci est un livre. Hada qalamun. Avec l'image, vous avez compris que c'est un stylo. Ceci est un stylo. Hada miftahun. Hada miftahun. Ceci est une clé. Pareil, dans notre langue, clé, c'est féminin, moins neuf. En arabe, c'est masculin, muzakkar. Hada maktabun. Ceci est un bureau. Ceci est un bureau. Hada sarirun. Ceci est un lit. Vous voyez, c'est un lit. Hada kursiyun. Il y a une shadda sur le ya, même si elle n'est pas écrite sur le livre. Le ya, c'est kursiyun. Vous voyez, ou shadda. Ceci est une chaise. Pareil dans notre langue, chaise, c'est féminin, et en arabe, c'est masculin. Donc, l'enseignant, quand il débute avec des gens qui connaissent pas la langue arabe, il sert premièrement de ce nom indicatif, ism ishara. Il dit, Hada, maintenant tu parles à toi, il dit, Hada, waladun. Tu vois? Donc si tu as compris ism ishara, tu comprendras la suite de sa phrase. Hada ma'un, c'est de l'eau. Hada qamisun, c'est un qamis. Ainsi de suite. Donc c'est parmi les choses primaires dont on a besoin depuis le début. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, la stratégie du livre, elle est bonne. Il a bien commencé comme il fallait. Après avoir être entré dans le ism ishara, il rentre dans al-istifham. Ism al-istifham avec les ism ishara, c'est-à-dire les noms interrogatifs suivis d'un ism ishara. Vous voyez, suivi d'un nom interrogatif. On pose une question d'une chose que tu ne connais pas. Vous voyez, on pose une question interrogée sur une chose que tu ne connais pas. Donc asma ism al-istifham. Ism al-istifham. C'est istifham, c'est alif wal-lam, taban. Après c'est alif, sin, ta, fa, ha, alif, mim. Alif, sin, ta, fa, ha, alif, mim. Istifham avec le med. Ça veut dire interrogation. Mi. Hein? Istifhami. Nam. Ismu al-istifhami. Nam. Naman al-istifhami. Interrogation. Prendre l'interrogatif. Nam. On traduirait comme ça, prendre l'interrogatif. Ouais, Ishara, c'est indication. C'est un pronom indicatif. Indicatif. Pronom démonstratif. Démonstratif. Non. Eh, Tal. La fauda. Voyez. Donc, là, il va exposer différentes questions sur différentes choses avec différents moyens interrogatifs en fonction de la chose sur laquelle on interroge. Par exemple, il dit Ma hadha. Ma hadha. Donc là, le istifham il est où? Ma. Taïeb, c'est ma. Ma, il s'emploie pourquoi? Pour une chose qui n'a pas de raison. Comme on dit en arabe, غير عاقل. غير عاقل. C'est غير, ya, ra. Et après, un autre mot, عاقل, c'est عين, alif, قاف. لم عاقل عاقلين نعم غير عاقلين c'est pour interroger sur une chose démunie de raison un objet par exemple ou un animal donc là il dit en indiquant comme je te dirais par exemple ما هذا même dans l'intonation tu vois que c'est une question quand quelqu'un l'interroge Donc, comment il parle, tu sens que c'est une question. Ma hada. Vous voyez, ma, comme on a dit, c'est ism stifham. Wa hada, vous voyez, ism ishara. Ma hada. C'est-à-dire, quelle est cette chose? Il indique là, vers quoi? Vers une maison. Il indique vers une maison. D'accord, Inch'Allah, demain, je viens avec le saboura, je viens avec le tableau. Ism al-ishara. Et le deuxième, c'est Ismu al-Istifham. Donc là, il indique vers une maison en demandant qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette chose? Ma hadha. Enfin, la réponse, hadha baytun. Ça y est, hadha baytun. Donc il l'a envoyé pour la question, yahkallah. Pour la question, il a employé un ism istifham li ghayr aqil. Pourquoi? Parce que la maison, c'est un objet. C'est une chose qui ne résonne pas. Et il a indiqué cette maison par ism ishara muzakkar mufrad. Parce que la maison, elle est seule et c'est une chose masculine en arabe. Donc il dit ma hada. Donc là, tu reprends comment tu réponds. Tu commences par l'ism ishara hada et après tu définis la chose baytun. طيب هذا بيت après avec un autre usloub un autre style de questionnement a هذا بيت maintenant a ça c'est harf istifham harf al istifham le premier c'est ism et maintenant celui-là c'est harf a هذا harf ha ra fa استفهام كما قلنا لكم بعضه et plus particulièrement ça s'appelle Hamza tout le استفهام c'est Hamza là qu'on a devant nous طيب on va dire que harf استفهام c'est un nom de catégorie et Hamza tout le استفهام c'est une chose définie dans cette catégorie طيب c'est le nom de cette particule en elle-même. Hamza, ha, mim, ha, ha, ha, ha, ha, Hamza. Hamza, non. Ha, mim, zay, et tamar bouta. Et bounay. Donc, Kayoum, est-ce que tu as fait? C'est une partie. En fait, Al-harf, à la base. Une des lettres de. En fait, là, on ne pourra pas dire que c'est une lettre. L'origine du mot harf, c'est une lettre. Vous voyez ? Par exemple, ta, c'est un harf. Ba, c'est un harf. Mim, c'est un harf. Vous voyez ? Et eux, en français, traduisent par particules. Par exemple, quand tu dis harf istifham, tu ne peux pas dire lettre d'interrogation. Tu vas dire particule d'interrogation. C'est comme ça qu'ils traduisent. Vous voyez ? Et vous allez bientôt comprendre qu'en langue arabe, les mots se divisent en trois catégories. Et ça viendra plus tard, Inch'Allah. Là, on a déjà pris deux catégories, le ism et le harf. Le troisième, c'est le fi'al, le verbe. Ça viendra après, Inch'Allah. Vous voyez ? Donc, a, ça c'est harf istifham. Et cela inclut. C'est une question qui va inclure une réponse par oui ou non. Vous voyez ? Ça se traduirait par est-ce que. Nous, on traduirait par est-ce que. Yakul, est hada baytun ? Est-ce que cela est une maison ? C'est quoi la réponse ? Naam, am, la. Oui ou non ? Tu peux pas venir avec une autre réponse, que oui ou non. Donc, Hamzat al-Istifham, vous voyez, inclut une réponse par Naam, une négation ou une affirmation. Pas d'explication, vous voyez, juste une négation ou une affirmation. Naam, am, la. Mathalan, je te questionne, Abdelkader, as'alouk. A, hada, Mohamed. Naam. Tu peux pas dire autre chose. Tu peux dire la am naam. Pourquoi ? La am naam. Tu peux pas dire que une explication. Voyez. Donc la question naam hada baytun. Après il vient avec un deuxième exemple. Ma hada. Taqul hada qamisun. Bouyd min chemise. Voyez, ils ont une chemise, le kamis, tu connais ce que c'est que le kamis, c'est le vêtement qui vient du bas de la tête jusqu'au demi-mollet. Pourquoi il y a des secondes ? Hein ? Où ça ? Kamis. C'est sur le ya. C'est le ya. Il n'y a pas de secondes. Si ? Le ya, il est sakin. Il n'y a pas de haraka sur le ya. C'est le harf med. C'est harf med. C'est pas kamis. Comment ça ? C'est juste pour le prolongement du i, non ? Non, le ya, dans Kamis, il n'y a pas de haraka, il n'y a pas de kasra, il n'y a pas de dhamma, il n'y a pas de fatha. C'est une sukun. À la base, c'est une sukun. Tu vas l'apprendre, quand tu vas prendre les khuruf al-med, les lettres de prolongement, ouais. Elles sont toutes sakina. Ouais, mais non. Moi, j'avais appris que quand c'était pour prolonger, il n'y a pas de sukun, il n'y a rien, quoi. Non, ils l'ont mis pour toi, pour toi, comme en tant que. Pour nous, t'as dit, tu vois. Voilà. Ah, okay, d'accord. Tu vois, sinon, ils ne le mettent pas, non. Ah, oui, d'accord. Ça ne s'écrit pas à la base. Mais sinon, pour que tu saches que le ya, à la base, il n'y a pas de haraka dessus. Okay. Donc il dit Hada Kamisun. Tayyib, Hada Kamisun. Donc Kamis, c'est Muzakkar, masculin. Tayyib, Mufrad, singulier. Souma il dit A Hada Sarirun. Donc là il est revenu avec Harf Istifham. Celui qui inclut une réponse par négation ou affirmation. Donc il dit « Eh, hada sarirun » Le jawab, la réponse, t'as cool. « Hada sarirun » L'image qu'on a devant nous ?« La » « La » « Fama huwa »« Hada kursiyun » Donc là, si tu dis « La », après t'expliques. « La »« Hada kursiyun » Maintenant, c'est pas un lit, c'est une chaise. Donc là, tu peux expliquer derrière. En tout cas, la question de base, c'est « Est-ce que c'est une chaise ?»« Est-ce que c'est un lit ?» Non. مثلا انا اسالك يا محمد يا طارق محمد ا هذا بنت لا هذا رجل نعم طب فما question je demandais est-ce que tu es une fille si tu vois donc il va dire la هذا رجل الحمد لله طيب après troisième exemple ou quatrième exemple il dit ا هذا مفتاح Donc devant nous, on a un colonne. il dit hada miftahun. Fa ma huwa al-jawab al-sahih, c'est quoi la vraie réponse? La hada qalamun. Wa le harf istifham, on l'emploie pour muzakkar, mu'annas, aqil, al-aqil. Il n'est pas restreint. Il n'est pas restreint. C'est juste qu'il inclut une réponse avec nam amla, c'est tout. Taïeb. Voilà, est-ce que c'est min harf istifham? Ech. Ma, la, la. La, la, harf. Harf jawab. C'est un harf de réponse. Taïeb. Après, cinquième exemple, il dit. Ma hada. Donc il interroge, quelle est cette chose? Hada najmun. Ça s'appelle une étoile. Hada najmun. Et dans notre langue, étoile c'est féminin pareil, mais en arabe c'est masculin. Donc tu dis hada najmun. Rib hada najmun. Maintenant ce qu'il faut, c'est du vocabulaire pour citer deux exemples. Mais si le but est le fond est compris, comment on emploie un ism ishara, muzakkar, mufrad, et comment on pose un début de question sur une chose, sur un objet, ou une réponse, une question avec une réponse incluant une négation ou une affirmation, c'est avec a. Et ça c'est certain, d'autres vont arriver, inshallah. D'autres asma istifham vont venir, il n'y a pas que cela, et d'autres huruf, il y a un harf istifham a, ou il y en a d'autres qui vont venir aussi pareil. Là c'est le début, tu vois, namshi habba habba. Petit à petit. Donc le. Habba habba, ça fait partie de l'arabe. Aïe, ouais, habba habba, c'est. Petit à petit. Je te dirais pas que les sahabas n'ont pas cette expression, mais en tout cas les. On va dire que l'aïbara elle-même, je sais pas si elle était employée par les sahabas, en tout cas le mot, le mot habba, ça sera. Aïe. Donc, le khurafa, le récapitulatif, c'est qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a appris ism al-ishara. On a fait un début dans ism al-ishara. On a appris ism al-ishara, al-muzakkar, al-mufrad. Taïeb, le pronom démonstratif pour une chose masculine et singulière. Et on a appris aussi à poser une question pour un objet ou une chose qui me démunit de raison. Avec ma, ism al-sifham. Et d'autres, pronoms interrogatifs vont arriver, Inch'Allah, au fur et à mesure. Taïeb. On a appris aussi harf istifham, le hamzat istifham. A, hada baytun, la, hada, salam masjidun, ou hada kaza wa kaza. Donc, après il y a les. La aussi, hein? La. Naam. On a appris la et naam. La, c'est harf jawab, c'est pour le tufidul nafi, la négation. للنفي نفي نيجاسيون نعم طيب حرف جواب نعم حرف جواب نفي نفي احمد كايا ني انون فيا نفي نعم حرف جواب حرف حرف هو نعم حرف هو جواب جيم واو الف باء حرف جوابه حرف جواب حرف الجواب جواب pourquoi c'est ça le nahou c'est ça le nahou c'est ça le jawab c'est ça qu'au début je te donne pas haraka tu vois au début si t'as compris le sens alhamdoulilah après le la rentrée dans les harakat ça va venir inchallah en comptant où ça حرف الجواب لا تقول حرف جواب كمان تجي لا نفي نعم في حرف جواب إثبات إثبات في affirmation إثبات في حفظة قطع avec la tête du عين en dessous إثبات ألف تاء إثبات ساكن إيش إثبات النام إثبات النام يبقى لازم نبدأ حركة أكتر. Quand on va prendre le bête du doigt filé, vous allez comprendre tout ça, Inch'Allah. Mafoum, Anta? Hein? Mafoum? Fahimta? Donc, il donne des tamarines, exercices, pour demain, dira d'Inch'Allah. Il pose des questions en fonction de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, à vous de répondre avec ce qu'on a appris. Vous venez que à Jawab ou Mounasib, avec la réponse qui correspond, qui convient. Donc, les radis nous font tamarin el awel wa el thani. Ça y est. Et demain, Inch'Allah, on corrige ensemble. Et si, hein, comme je l'ai dit, il y a un problème qui n'est pas compris, vous venez me voir, vous demandez aux frères. Si vous ne voyez pas moi en particulier, les frères pourront vous répondre à ça. Inch'Allah. Comment ça? Là, c'est le premier exercice avec ma seulement. Le deuxième date, il commence. Il viendra après. Et le deuxième exercice, c'est avec. Hein? J'ai pas marqué. Toi, t'as pas toi? On n'a pas commencé d'Arsène. Ah ouais. C'est Tamrin. Fanny commence après. Le Fanny commence après. Il est là. Ah, ouais, et après. Ah, bah, il est pas dedans. Non, c'est pas là. Tu dois avoir une note. T'as un livre. C'est où t'as une page qui manque, là, ou alors. T'as une autre édition. Non, c'est la même chose. C'est page 12 dans mon édition à moi. Ah, t'as une page manquante, c'est là que t'es. Ah ouais, carrément. Que regarde, il passe de. Il passe de 11, regarde, de 11 à 13. C'est là normalement. Il faut voir ta 11, toi, pour voir si c'est la même page que lui. Ma 11, c'est que le 10, le coq. Tu vois, ta 11. Ah, c'est ça. T'as une page manquante. Et 12, c'est quoi? 12, c'est parce que t'as mené, c'est Der Stein. C'est que t'as pas. C'est ça. Va le voir, tu me dis. Tu vas voir, je fais tambir, tu me dis que t'as meurt. Des fois, ça arrive, tu vois. C'est lui-même qui édite les livres. Ah, c'est pour ça que je comprends les fois, je crois que tout ça était dans la. Non, fais attention, des fois, les éditions indiffèrent, vous pouvez avoir des erreurs de l'imprimerie. Rien avec le dedans. Moi, tu me dis. Tu vérifies, du coup, je ne trouve pas, aussi. Ouais, d'accord. Ça y est. Ma foule, Medef. Compris? Ça y est. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك